Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est 21h14 sur l'horloge de Canal Sud en France, à Toulouse. Téléphone le 05 61 53 36 95. Téléphone le 05 61 53 36 95. Thank you. Thank you. Quai d'agité. Ici, c'était. On disait un quartier d'agité. On disait un quartier d'agité. C'est un quartier d'agité. Ben, c'est un quartier d'agité. Thank you. Les âmes survoltées sont prises en main, en charge, par des concepts familiers comme ceux des autres, ainsi, alors comme d'équivoque, les possibilités ne dépassent ce point. Pourtant, il est un temps où toujours le monde règne, comme un roi et une reine fonctionnent, le passage en changement. Et comme ce ne puise la fonderie que dans un anus doré, comme qui dirait, au four de la possession matérielle, analogiquement aux contondances. Les rivales. Faction de nazillards nauséabonds sur une île sphéroïde. Les oublis momentanés figurant toujours le point crépusculaire. Et quand je reviens en charge extrême de rivalité putréfactionnante, les parias, comme comme les nantis obsessionnent, et si les fières capitulations ne sont pas vaines, que sont-elles? Car n'oublions pas le propos, le sujet du verbe, le par, qui, quoi, comment, etc. Pourtant, la semblance ne réside point en la finalisante finalisation, sauf dans le hante d'un présent participant le long du couloir de la morgue. L'aurore des cadavres et la moisissure plurielle ne permettant toujours pas la densification atmosphéroïde. L'être humain n'a d'autre choix que de mourir, et la fin est telle. Comme de la thune qui symbolise la guerre, et tout en demeurant, tout en demeurant, l'humain tue. L'humain tombe, puisque l'humain mourra tué. Convulsion spontanée, cyclique, plutôt pentue. La berne ne vise pas le feu, et l'imberne brûle à petit feu. Pour le fric, tuer, tuer soi, le sacrifice automatique. La merde, c'est que demain ou pas, l'omnubilance de la présence occupe la place de métier à art, discipline et la loque. Meurs en tout à tout, mourir la merde, voilà, merde que je n'absorberai pas. Oh non, la vérité, là, encombrant sur une planète, le corps en travers, des tendances, seul, sur un banc, laissé à l'abandon. Vérité? Es-tu seul? Mens. Tu n'as pas de pouvoir. Le pouvoir tel le choix, vrai, son mensonge, le chaume dur. Toi, n'aide pas non plus, l'exorcisme résidera. Pourtant, le bleu ne pas voir, toujours stationné. Paranoïa, omniprésente, la volonté obstrue. Pas à pas, un être né, faste, ment, vampire, suffisant sang impur, d'impur. Voir l'impunité de nos êtres, à nous, des façons de sorcières. Conditionnel. L'absurde des raisons. Vitesse 1. Un passage de tabac à niveau. Des antres absurdes, patrouillants, déraisonnants, les reins sur destin. Accablés qu'ils et elles sont, tels, ils ou au contraire. Des raisons de s'enfier à leur possible, passant de la traverse à la nouvelle vague, obstruée par l'animal pensé. Les fauteurs troublés troublent donc. À éliminer comme le légaliste, éliminer, éliminer, éliminer. Un temps magnifique posé sur une chatoyante ombre spatiale. Des voûtes, une structure, un relent fatidique. L'île des mensongères, l'émancipée régulatoire de la détente voulue. Plus de sanctions permissives aux actions. Réaction d'oubli de sale race, espèce, pièce de monnaie courante, rattachée à une augure, mauvaise au bas mot. Tendance d'une azurée réticence, la table se mettant en quatre plis, séparée, dissociée des fourrures, alors que un autre soi, devrais-je dire moi, pointe un bout de nez. Alors que les interventions un temps pestantes assurent le maintien en bonne et due forme, l'inconvénient étant une autre fois passé, toujours d'un côté comme de l'autre, le nocturne prend fin. Tel un bébé, la merde croît vers l'ultime merde, celle d'une humanité suffisamment merde, suffisamment morte d'avance, écroulée dans le cercle du confort visqueux et vicieusement normativiste. Visons le pur, éliminons l'un, pur échec que cette vue-là, comme les choses d'un autre monde, celui de l'échec humain, le total et crédule anéantissement. Décréation d'une nature trop comprise, le pouvoir ample permet la puissance d'être et d'avoir, la puissance de la pensée unique, clinique, clinique, clinique, pour toujours, sur un semblant, rosé, un cul, semblance seule, cette rosée-là, avec un beau cul, on nous chie dessus, riant à jamais devenir absconce, on s'entête à changer pour paraître le mieux que hier, alors que hier, hier, n'oublions pas les réactions des autres. Ainsi dire jamais pour ne jamais dire à quiconque que tout est vrai, l'absurde comme le cohérent, et que personne ne l'accepte ou seulement par utilité. Alors crevons les abcès, sont tous crevés justement, eux, alors fonçons droit comme des i en avant, à l'autre ciel, celui dans la tête, faite à jamais, pour en chier, par pire qu'un merdique être humain, pas pire qu'un merdique être humain. Bell Kirby, melodramatically, Tristan Feathers, Gloom, or not so much as said. Rights being the making of the fun of not standing up for them. That's what it's about. The horror believable for to and being forward. So as to say, noise is forward, so go it. True.

bonsoir. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. L'émission c'est Nuisance, Nuisance l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances qui donc se trouve donc actuellement sur les ondes hertziennes de Canal Sud, donc le 92.2 FM, mégahertz, toulousain de la région environnante de la ville française de Toulouse. Toulouse en France, donc située dans le sud-ouest de la France, on est spécialisé dans le cassoulet et dans le canard laqué. Laqué comme la lazure, donc toujours doré au four, comme macramé, les limaces dorées qui, dans un azur peu bleuté, se regardent en face du trognon. Le trognon de la pomme dure d'amantesque, ou d'amantin, devrais-je dire, in surface. Autre exposé slash anti slash at canal sud www.devant.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. Je répète, le téléphone c'est le 05 61 53 36 95. Bonne soirée. Écoutez bien l'émission Nuisance, donc tous les vendredis de 21h à 23h. Sur Canal Sud. Attention, on a allumé les micros. Attention. Ouais, ça va. Les micros sont allumés. Attention. Attention. Les micros sont allumés. Midi moins 10, j'en ai marre. Ça fait du bien de pourrir, de pouvoir l'écrire. Test. Et toi, tu entends quelque chose? Deux. Tu entends quelque chose? C'est bon. J'entends quelque chose. Mais dis moins 10, j'en ai marre. Ça fait du bien de pouvoir l'écrire. Louez vite la transparence, car non rance, fraîche et spontanée. Ce invite au dialogue, à l'élaboration, à la création résistée, c'est créer, paraît-il. Tant mieux. Il reste. Ça s'arrête pas. C'est comme ça. Ça ne s'arrête plus. Quand Ramdam, en désordre, il ne reste que le moisi de la nomenclature d'antan. Pourtant, si sensiblement les choses se figurent comme elles sont, ces choses sont. Ces choses non, vivantes non, donc au féminin, ah, ces choses qui nomenclature comme clapotance, clipotence le long de ce gange, susdit en plastique, et c'est ainsi que l'incité obscurantit pas. Quoi, Enir? On peut se le demander. Quoi, Enir? Quand même? Alors que chose et d'autres, masculines, donc vivantes? Ah, mais mince alors, quoi Enir? Rien plutôt que de dire, trop de merde, rien, c'est tout, mourir à soi, abnégation sacrificielle, c'est tout, je n'ai pas à en être fier, je n'ai pas d'autre issue que mourir. The ways of old, rantic, frantic, raving, craving, be gone, damn you, me. D'où la crevure du diamant adamantin sur l'épaule du corbeau mou. Suite de l'histoire, ce soir, en compagnie du trésor dur de la nomenclature, limacienne. Nous n'avons pas encore vu le début, nous sommes bientôt à la fin, thalamus. Le thalamus se brise, thalafin se finit en brisure de riz. Merci. L'espoir impertinent rebute ses côtés mal entravés jusqu'à parfois par passe mégardante pouvoir, et c'est là le hic pouvoir pour espoir impertinent qui rebute en se défroissant merde jusqu'à maintes fois merde fois chiotte ça au moins c'est de la conscience, c'est de la conscience. Un défouloir qui peut le devenir. C'est pourquoi je choisis par volonté de travail de pousser le pouce les côtés, chacun de son côté, et le centre vers le centre, je m'en fous. J'y crois et m'y vois pas, donc j'en fais abstraction, c'est comme ça. Occasion saisie de ne pas me taire. Non à la vie parce que c'est pas la vie. Il me faut me dire, controverse alité, les choses qu'il me faut me dire, puis mourir. De là-bas à ici, les démences. C'est pas comme si ça voulait vraiment dire quelque chose, l'un disant quelque chose, non? Mais bon, juste la voix jusqu'au trou, au fond du trou. Mortelle annonce. L'envers du décor, la connaissance égale à la souffrance. Sapiens, satiété de vin, de fou. Douceur, non-temps, doucereuse. Imano transpare, danse, petit fou. Danse avec tes pieds, non tendres. Ni dur, mais plutôt éperdument doux. Caresse, sans dents, montrez tout du moins, car de soi à soi, vers soi ou quoi. L'importance, l'importance en jeu, peur, mécréance. C'est fini vite par l'irritation. Je change. Vendredi 25 septembre, minuit 40 minutes. Les adverses territoires absconses. Les adverses territoires absconses, m'omnubile le ciboulot en travers de la gorge déblatérante de la nomenclature comme rature dorée. Merde, c'est vrai que je mens comme je chie. Ça pue, ça schlingue, veu gras comme veau gras qui pullule de pestilentielles, immondes bêtises purulentes. Pas bestialité, bêtise, oui. T'as retrouvé ta bière? T'as retrouvé ta bière? Oui, c'est bien formulé. Certes, je ne sais qu'écrire, zut. Voilà, passons à autre chose, quelque chose. Quelque chose de parti. Comment aller là où tu ne fais que pouvoir être? Puiser, détruire, étiqueter, blâmer. Sont tout ce que tu sois. Faire n'est pas tant fort qu'à l'hostilité de l'attitude entraîne encore et encore. Tu ne sais te taire. Je ne m'inspire pas. Tu m'expires. Où est ma place? This piece off. Lundi 30 novembre. Stuff it. Stuff it, la minimale exactitude de plein gré, comme millésimé tordu. Pièce de ma bête, ultime engeance. La poussante folie me doucereuse l'esprit, comme badigeonne, la cyprès, la somme monnayée, la discontinue en ballante mièvrerie. En cas de solutionnance, tirez la poigne et sonnez-la, transigeance comme la... Et de s'emballer en ballonnance transversale. La somme des quantifiables, si tu la donnais à interpréter pour en recueillir l'information, c'est encore éternel. Et c'est ça qui continue à changer, principe et résultante. Le son résonne, l'ouïe permet la self-direction of sorts of things. Going as in translating troublesome ID twice, discussionating as in useless talking shit. Yes, that's it. The world's finest record usage. C'est l'été et l'hiver est passé, et nous sommes heureux d'être encore vivants après cet hiver passé à se détendre au bord de la piscine chauffée. Nous sommes des privilégiés, chérie, aimons-nous. Nous sommes des protégés, nous sommes capables, nous avons le droit de nous aimer ensemble au bord de la piscine chauffée dans notre villa au Bangladesh, Mo. Le Bangladesh, Mo, on n'en parle jamais assez. Le Bangladesh, Mo, c'est tout. C'est tout ce qui brille, c'est tout ce qui tombe, c'est tout ce qui fait des faces à défaut, faire face à ne pas faire face à. C'est clair? Parce que c'est la démentielle des raisons que cette faction-là, cette évidente faction d'évidence factuelle. Nous n'avons pas d'Émile obscur, antique, antisme, anthéisme. Nous n'avons que étater des faits actuels sur une aplanissade de la palissade de vérité, car dite, car sous-dite, et maugréant une expectative de réponse, les autres attendent toujours leur expectation. En expectorant, ils translatent sur le bord d'une déraison obscure et sombre, toujours l'obscurantisme qui hallucine la voix. C'est la faute au mal. Le mal-être, sûrement. Cette personne, elle est mal. Le mal-être, c'est sa faute. Sa faute si cette personne-là, elle est mal, ou celle-là, elle est mal, et l'autre, elle est mal, cette personne, et bien ça, c'est sa faute. Et donc le mal-être, c'est la faute du mal-être. Ouais. Et les races humaines, on n'en parle jamais assez, les races. Les sales races humaines et les belles races humaines, on n'en parle jamais assez. Les races, quand on dit sales races humaines, t'as tout gagné, tu fais partie des humains, tu sais, tu le sais, esclave du labeur translaborique, transsylvanien, transsibérien, transgoulagien, au goulag. I'm a piece of shit. I translate. God damn it. Fuck. Fuck me. It's all about it. The shit I'm in. All of it. Suddenly, understood, and it's hurting. So, of sorts, I want it up, down and up again. That's all about it. Joke strap. Trap it. Piégé. Merde. Merde. On est où là? On est où là? On est piégé? On est dans un trou? On est dans un trou. Dans un trou profond de... 10 cm. C'est le trou de ton cœur. Tu as reçu la balle. La balle du dans Seigneur. Dans la horte. Dans la horte. Là où ça heurte le sang pour sang. Connement fait. Le souffle protosystolique a été... Protozoarisé. Fatal. Fatal. Et protozoarique. Parce qu'en protozoaire, hallucinant, hic. The air, god damn it. Ça me scosse territoire. The cum and shit and blood. All of it. Slit, cum and blood, yeah. The shit come in blood, on the verge of saying something like something else, never the wanting, never the wanting else, of the wantingness. Wantingness twisting the rather rabid souls of dismantled dismemberments. Thank you very much. No money left, no leafed clothes. All is gone to pots. Depreciative salus. A problem. Un temps soit peu pensé jusqu'à la moelle. Well, there's gotta be being so to say. So justly, obviously, steady. The thing is not to forget, but to remember. Say yeah, and justly. So it doesn't mean enough count generally. Say yeah. There's no organization like disorganization. Say yeah. Yeah. Because disorganization, like organization, it's something like that anyway, quelque chose comme ça. Et c'est cette désorganisation qui fait que on est face à nous-mêmes et que même que l'isolement, et ben c'est pas une vérité en soi. Hein. Soi. C'est quelque chose de bien, l'isolement bien. Et je m'essuie la bite parce que j'ai une bite, ça t'étonne. Tu veux vraiment voir ce que je crois? Ouais, je vais te péter les couilles. Je crois. Ouais. Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Je m'endors et j'endors la torpeur. J'ignore le devenir. Devenant de moi aussi, j'ignore le devenir. C'est un connard, des compasses. Mais c'est n'importe quoi. C'est un enculé. C'est un enculé. Il m'énerve, en plus il parle. Et je suis tout niqué. C'est un tout niqué. C'est un tout niqué, ce mec. Il l'a dit. Un affable. Ouais, un affable, ouais. Un affaiblissement. Pendant temps, la marée. C'est un pauvre con. Ce mec, c'est un pauvre con, cette personne. Le saint en sacrifice. Viens sur les mots. Puis d'abord dans la tente. Bah, c'est un gros connard. Mais bon, s'il arrive à changer de rythme, faut peut-être lui donner... Quoi? Une petite chance. Il va seconde chance. Je sais pas, il est mal poli et tout. Ouais. Fuck me. Fuck you. Non, laisse tomber, c'est un connard. Fuck me. Et si bien aussi que la forme de conflit qu'il me reste, que je souhaite qu'il soit tendre, doux, humain. J'arriverai. Confiance, conviction, vie. Ce que j'aime. Oui. Oui. Ce n'est pas plus dont j'ai besoin. Pas plus. Pas plus. Passing the flame to someone is always difficult. Cliché. Coming back, could he possibly be able to explore? this. Got it? Ah, I had so frustration of desire, non-obtained. Shit, damn it. Screaming about won't do it, no. Talking, singing out. Expliciting self to self. Through freedom of practical execution of self-get-riddance. Get riddance of it all. Do not distribute. I mean, undisturbingly does it self-explanatory. Ouais, bon, voilà, il n'y a plus personne à la technique, on laisse les gens tout seuls. Ça, c'est Canal Sud, hein, tu viens de débarquer là, je vois, il n'y a personne. En mode totale autonomie, ouais, vraiment, avec, le concept est ouais, top. Ouais, et le panneau, critiquer le matériel de Canal Sud, entrée libre. L'entrée de. Bah, c'est pourtant ce qui est écrit, quoi. Critiquer le matériel de Canal Sud, bande d'enculés, je crois, parce que l'enculé, c'est pas une insulte. Et entrée libre, parce qu'il est 23h-5. Je me suis dit que on pouvait dire ce qu'on voulait, et j'ai envie de dire de la merde, voilà. Donc de la merde, déjà, ça c'est dit, ok. Critiquer le matériel, bon. Ouais, je critique le matériel de Canal Sud, gravement. Oui, grave. Faudrait déployer certains arguments, mais. Ouais, j'ai un argument, il est critiquable, tu vois. Oui. Ouais, c'est pour ça que je le critique. D'ailleurs, on pourrait prendre une photo. On pourrait prendre une photo de la critique de l'argument. Donc, mon argument est critiquable parce que j'ai rien dit. Et donc, je suis un gros con et un enculé. Comme ceux que je critique. Suis-je en train de critiquer ou suis-je critiqué moi-même? Par moi-même en plus. Autocritique? Diantre. Non, diantre. On va rien dire, c'est pas le moment. Hein, on les connaît. Il reste 3 minutes. Il reste 2 minutes et 3 minutes. Ça fait donc 2 minutes, 3 minutes. Donc ça fait environ 3 minutes, 2 minutes, 2 minutes 30. Qu'est-ce qu'on peut faire en 3 minutes? On peut en faire des choses en 3 minutes. On peut claquer des doigts et claquer des changer doigts. De personnalité ou et claquer des doigts et se pendre. Changer de vision des choses. Ou se tailler. Comme ça, en un coup. Les veines sur un soleil de plomb. Sur Pluton, on se fend les veines. On se fend les veines sur Pluton. Sur Uranus, on se casse la tête. Sur Uranus, on se casse la tête. Et sur Jupiter, on se prend des verres et on boit pour oublier la Terre. Et sur non, Mars, sur Jupiter, on se bourre la gueule à la Jupiter. Ah, ok. Ça va? Ouais, mais on fait un porté exactement avec le Soleil, la force du symétrique Soleil. Le pranahama. Le pranahama dans ton ya. Le prana tout court. Hein. Bah ouais, si on prend le prana tout long, ça va nous coûter plus cher en kérosène. Kérosène. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Le toit des maisons est bleu. Pas loin de Roissy. Et Charleroi, c'est ainsi. Ouh! On n'avait pas dit qu'on leur expliquait la vie à ces gens? Parce qu'il y a quelque chose à dire, je veux dire, c'est pas comme si on savait pas quelque chose, nous, hein. Même si on est dément, ciel. Je veux dire, on n'est pas vrai. On n'est pas bon. On est mal. Je suis un abruti. Je suis bête, con, difficile, etc., etc., etc. Réflexion. Réfléchir. Cactus. La lumière. Pomo, mérite cette torturante machinale. Vie semble-t-elle machination. Oui. Alors pourquoi la tendre vie de ce poète tendre, sombre, semble machination? Premièrement, à la ligne. J'ai dit à la ligne, les enfants, notez bien. Premièrement, donc c'est-à-dire vous faites un 1 avec, entouré d'un cercle. Un cercle, oui. Pas un œuf, un cercle. Voyons, Stéphane, lève-toi, t'es au piqué, j'en ai rien à foutre. Tu fermes ta gueule, tes parents c'est des connards. Maintenant les autres enfants, vous allez m'écouter. Oui, vous tremblez sur vos sièges. À la ligne, premièrement, pourquoi ce poète si tendre et sensible

I seek Pez. I seek Pez everywhere. I sleep in Pez like Uncle Scrooge. And I fuck the duck. And I fuck the duck. I seek Pez. And I want to be the one who seeks Pez with Ja. Ja Ja or Juju is taking its hold on me. And I'm fucking the tree up like a good old American. Can French concon, French kiss, French tickler, French fries, freedom. Fuck freedom. Like the people. Like the whores. And like the boners. Fuck them a whole. Holy fuck. I wanna be a gay man, I wanna be gay, I wanna be I wanna be best be wannabe, then self-conscious, or all the shit you gotta say and do. Fini pour toi les pogos. Have you heard the vacuum cleaner? Vacuum cleaner. Have you heard the vacuum cleaner? Vacuuming. Have you heard the vacuum cleaner? Vacuuming. Have you heard the vacuum cleaner vacuuming? Vacuuming. Vacuum. Have you heard the vacuum? Have you heard the vacuum cleaner? The vacuum cleaner. Have you heard the vacuum cleaner vacuuming? Have you heard the vacuum vacuuming? Vacuuming. Have you heard the vacuum cleaner vacuuming? Vacuuming. Vacuum. Have you heard the vacuum? Have you heard the vacuum cleaner? The vacuum cleaner. Have you heard the vacuum cleaner vacuuming? Have you heard the vacuum vacuuming? Vacuuming. Vacuuming. Have you heard the vacuum cleaner vacuuming? Vacuuming. Vacuum. Have you heard the vacuum? Have you heard the vacuum cleaner? The vacuum cleaner. Have you heard the vacuum cleaner vacuuming? Have you heard the vacuum cleaner vacuuming? Vacuuming. Have you heard the vacuum cleaner vacuuming? Vacuuming. Vacuum. Have you heard the vacuum? Have you heard the vacuum cleaner? The vacuum cleaner. Have you heard the vacuum cleaner vacuuming? Have you heard the vacuum cleaner vacuuming? Vacuuming. Have you heard the vacuum cleaner vacuuming? Vacuuming. Vacuum. Vacuum. Have you heard the vacuum? Bon, ben je vais vous le dire sincèrement. Sincèrement, Nuisance, c'est de 21h à 23h tous les vendredis dès que je peux, quoi. Donc c'est tous les vendredis, quoi, de 21h à 23h sur Canal Sud, la radio libre, ou mourir. Sur le 92.2 FM, MHz toulousain et dans sa région, et ses environs, et également sur le www.canalsud.net. Vous trouverez le site sur Internet. Internet est un réseau, donc un réseau informatique, où les gens communiquent et également peuvent donc apprendre des choses et s'informer sur les différents aspects de la vie quotidienne, donc comment manger, comment dormir, comment s'asseoir sur une chaise, toujours important à savoir à l'école, donc on s'assoit sur la chaise et ne pas tortiller du cul quand on se ramasse la gueule par terre. Claquer sur une chaise. Claquer sur une chaise, messieurs, dames. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez simplement compte à quel point les gens se claquent la gueule par terre sur des chaises. Des chaises. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. L'émission de tous les non-sens. L'émission de la méditation transcendantale ce soir, donc nous allons tous aoumé, aoumé, aoumé, aoumé, aoumé, aoumé, aoumé, aoumé, pendant toute la nuit, follement, sur une musique douce. Douce comme la lazure bleutée sur un toit obnubilé de factions. La faction, aoumé, pendant la toute faction, la faction, sur la une faction débilitante, débilitante. Ton haleine est putride, je me déteste. Faction, la faction, pendant la faction, la faction, sur la faction débilitante, débilitante. Ton haleine est putride, je me déteste. Faction, la faction, pendant la faction, la faction, sur la faction débilitante, débilitante. Ton haleine est putride, je me déteste. Faction. La faction, pendant la toute faction, nuisance, la faction, c'est la fini. Faction débilitante. Je me déteste. En faction, c'est la fini. Faction débilitante. Je me déteste. Faction, c'est la faction débilitante. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est fini.

et trop fort. Non. C'est trop lent et pas assez fort. C'est lent. Non. C'est pas assez vite. Non. C'est trop vite et pas assez fort. Non. T'es trop fort. Solo. C'est trop vite, c'est trop fort. C'est trop vite, c'est trop fort. C'est trop vite, c'est trop fort.